Where do I begin to tell the story of how great love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I start? Where do I begin to tell the story of how great love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I start? Like a summer rain that cools the pavement with a pink leather shine. He came into my life and made the living fine, and gave a meaning to this empty world of mine. He fills my heart. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my soul be measured by the hours in a day. I have no answers now, but this much I can say. I'm going to need him till the stars all burn away, and he'll be there. Alors, les errants se présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Nous allons rencontrer... Ben oui, c'est Sofai. C'est aussi surtout un incontestable talent d'agabiacité. Comment ça que ma langue est sortie toute seule? On l'a mal cousu, OK. Mais Sofai. C'est aussi et surtout un incontestable talent de chanteuse et l'auteur-compositeur. Hey, on n'a rien compris. Je vais lire au complet. Sofai, c'est tout d'abord une voix, et quelle voix? De celle sur laquelle un diamant s'est posé pour l'érailler avec classe. Mais Sofai, c'est aussi et surtout un incontestable talent de chanteuse et d'auteur-compositeur. Daniel Lavoie, Elliot Murphy, Slim Batteux et Al Sanders ont consigné... Non, parce que je pense au colonel aussi. Ça n'a rien à voir. Excusez-moi, Sofai, je suis qu'un... Oui. Tu peux me frapper. Non, me fesser. Je vais te fesser sur la... Oui, merci. Daniel Lavoie, auteur-compositeur... Daniel Lavoie, Elliot Murphy, on l'a dit, Al Butters, on consignait quelques-uns des titres de ce superbe opus, preuve que non seulement Sofai s'est captive par sa voix, mais aussi... grâce à la chaleur et la couleur de ses compositions. En juillet 2011, non 2010, l'année dernière, CKRL et Errance Rénaldienne se trouvaient à Paris, au beau milieu du boulevard sur la rue Oberkamp, dans le 11e arrondissement. C'est de la 11e, là. La groseille sur la 11e arrondissement. Oui, on était, ben moi, j'étais là. Il y avait l'ambulance qui avait coupé le chemin. Il y avait les pompiers, la police. Puis il y a le fring, fring, les petites policières. Le fring, fring, fring. Elle est toujours en arrière, là. Hein? Ça longe pas. Ça court tout le temps. C'est en forme, ça, ces petites policières-là. Ah, fring, fring, fring. Hey. 15 livres de ceinture, là. Hein? Le ceinturon d'une policière, d'un policier. 15 livres, 30 livres, 40, 50, 250 livres. Quoique les filles pèsent à peu près 110 livres, là. Ils calent à chaque fois. Ah, fring, fring, fring, fring. À un moment donné, tu vois juste des cheveux. Le petit toupette. Quelle fin atroce. Alors, un voyage chargé pour cette nuit estivale. Yo. I don't know why you done messed with the bomb, you done messed with the bomb, you done messed with the bomb, you done messed with the bomb, you done messed with the bomb, you done messed with the bomb, you done messed with the bomb, you done messed with the bomb, old lady. You done went wild. Yeah, second. There was a Hardy Boy mystery I tried to solve again. Dude that broke in my crib, it wasn't involved in him. 4 in the morning, my phone ringing. I'm thinking, who the fuck is this on the other line screaming? Told them, get down. But they was breathing hard. It was my grandmother telling me that she had been robbed. I told her, oh, tight, tight. I'd be right over. Freezing. But this situation made the night colder. Knew this was the night that she played poker with some friends in a club at the boat getting bugged. Said she seen these thugs on the boat for a while. Not gambling, but every now and then they smile. Then blow, they up mags. And told everybody, put your shit in the bag. Made people strip naked quicker than a Luke record. What? Had the place took in a minute and some seconds. Asked her how many of it was them. Said she couldn't remember, she was spooked and buzzing. Couldn't describe them, cause it happened too fast. What? Said they looked like me with they pants hanging off their ass. Got her some water and began to think. How these niggas take her wig, her bracelet, and her mink? Somebody round the crib know the deal. Whoever did it better have Blue Shell for real. Cause yo, it's the big payback. Went to the shop to see what was up. Them niggas probably knew something, plus I needed a cut. Walked in, they was playing Jigga, discussing how the brat titties and got bigger. These niggas next to me was talking about the heist. Whoever did it even got Jordan for his ice. Said that it was done so precise, the cops ain't know nothing. Had to use all my might not to ask no questions. Put down the magazine, went to the pop machine. Noticing these cats had to bling bling. They wouldn't be talking if they did it. It could be they team. A week ago, neither one of these niggas had a ring. This hype came in, selling CDs. Said the BDs was bragging about a robbery they had done. By now, I'm thinking about my gun. If I see Graham's bracelet, I'ma play racist and, what? And make niggas run. What? my imagination roamed as I got in the chair. Thinking when shit went down, I wish I was there. Fucking with fam, who you are, I don't care. Have your guys pouring liquor with your name and they swear. These chicks claim they was there, knew the niggas who done it. Said it was smoking them from the wild hunters. 8 million stories got me running in place. It's getting tricky. Like dude, that do drum and bass. There was the air in the place that made me suspicious. Normally, they be talking like bitches. My barber cut me with a quickness. Asked him where he got the new bracelet. He said it was his sister's. I knew then what made it official. He gave me my change. The money clip had Gramps' initials. As I whipped his ass up, six niggas masked up. Pulled up in a Cadillac truck. Un batteur, un bassiste, contrebassiste qui jongle entre les deux. Et toi, tu fais la guitare. Guitare. Accordéon. Et... pas accordéon, mais accordéon. Harmonica. Ouais. Et oui. Puis je joue un peu plein de bazar que j'adore parce que moi, tout ce qui est avec des cordes. La boîte à rythme, ok, ok. Et je joue un petit peu de Wessenborn, je joue un petit peu de. Ukulélé, de dobro, non. Ok. Mais pas encore le petit ukulélé. Non, pas ukulélé, mais banjo. Ah oui, ok, c'est la petite famille de. Toutes les déclinaisons à cordes comme ça. Et lorsque tu t'en. Comme la semaine dernière, spectacle que je n'ai pas vu. T'étais ouais. Guitare-voix. C'est un spectacle de quoi, 45 minutes, une heure? Là, on a fait une bonne heure. Okay. Parce que c'était un triplateau. Donc, il y avait deux autres artistes qui étaient... Donc, on a joué chacun une heure avec un petit changeover, un changement de plateau pour chacun. Tu vois, un petit quart d'heure. Pour, et puis voilà. Donc, il ne fallait pas non plus jouer des heures et des heures. Mais non, je suis plutôt... j'aime bien les concerts qui durent. Oui, ok. Comme, j'ai une éducation. Comme Jacques Higelin, hein. Jacques Higelin, c'est un spectacle d'il y a 4-5 ans. Voilà. Alors, j'ai pas la matière pour faire ça, mais j'aimerais bien un jour arriver à faire 3h ou 4h de concert. Ça me plaît. Mais lorsque tu fais, comme tu dis, un concert beaucoup plus étoffé, est-ce que tu reprends des chansons des autres? Ça m'arrive. Beaucoup? Non, parce que j'ai fait. Alors, au début, pour bouffer, comme on dit, j'ai fait beaucoup de covers. Ok, ouais. Dans les bars et tout ça. C'est ce qui m'a appris mon métier, hein, de jouer coincé entre la porte des chevillettes et la pompe à bière, tu sais. Ouais, c'est ça. Et les trois Yvonne, les trois piliers de bistrot, qui braillent. C'est ça, exact. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus, c'est qu'un jour, je fais une pause, je fais un premier set, je fais ma pause et puis j'ai un mec qui vient me voir et il me fait oh, « c'est trop fort ». Je dis « bah merci ». Si c'est gentil, ça me touche vraiment. Non, c'est trop fort. C'est trop fort. Oui, okay. Et puis au bout d'un moment, je dis bah merci, c'est gentil. Tu vois, il m'a lâché, il est beurré comme un petit lu, tu vois. Et puis il me dit non, c'est trop fort en se tenant les oreilles. Je fais. Ouais. Et tout. C'est la point. Exactement. Tu sentais la fausse blague. Et donc les prochains spectacles, tu vas travailler davantage avec ton quartet. Ouais, ça j'essaye de développer cette formule parce que d'abord on s'entend super bien. Est-ce que tout le monde tient des occupations en dehors de ton groupe? C'est ça qui est difficile. Hein? Ouais, ça c'est difficile, mais ils font au maximum pour se libérer. Donc ça c'est très appréciable. Ok. Voilà, donc ils sont. Il y a une bonne énergie sur scène. Là on a des festivals par exemple cet été, on part. Là dans 10 jours dans le sud de la France faire un festival, après on a autre avec chose avec les 4, ouais on est 4 à chaque fois là, donc on a quelques dates cet été et puis est-ce que tu reviens toujours à Paris ou tu suis la tournée, c'est-à-dire que tu vois là c'est des sauts de puce on va dire, mais oui j'ai fait ça beaucoup. Combien de spectacles cet été? Il y en a 5-6 cet été, puis après et là quand tu étais avec ton groupe c'est combien d'heures? Une heure et demie. Bah là, c'est des festivals, donc généralement, c'est entre une heure et une heure et demie. C'est... J'ai à peu près 2 heures de spectacle. Voilà. Oh, OK. Mais c'est un festival de relève, c'est des chanteurs qui veulent se montrer aux spectateurs? Non, c'est beaucoup de festivals de blues ou rock. Oh, vas-y, tu peux répondre. Vas-y. Ah, ah oui. Like a Valentine. Yes. Qui télécharge mes émissions? La Gestapo pose qui? La Guess. La Guess, oui, yes. La Gestapo, c'est-à-dire la police secrète dans tous ses états. Oh, ici, j'ai une petite... J'en ai une petite. Ici. Un petit. Mon petit enfant, je t'aime. Non, c'est pas un enfant. C'est un petit sac. Ce sac-là, ça m'intéresse. C'est comme un élan à l'intérieur, des élastiques, mais langagier. Alors, je m'explique. J'ai un bout de phrase, un mot, qui va sans doute m'allumer. Tiens, c'est des petits morceaux de bois qui prendront feu sous les mots, sous le sens, sous le non-sens. Et c'est ça qui est extraordinaire là-dessus. Attendez, là, je l'ai. Là. Ouais, ça, ici, avant le prochain impro, là. OK, on va regarder qu'est-ce que ça dit. Certain que... Il y a deux choses qui peuvent arriver. De un, s'il vous plaît. One. De un, excusez-moi. Français. Un français. De un. Ce que je lirai ne m'amènera nulle part. Oui, merci. Attendez, je peux encore commencer. Arrêtez de dire merveilleux avec ça. Hein? Ça peut être plat, là. Autant que ça peut monter vers le haut. Hein? Quand ça monte vers le haut, c'est toujours mieux que quand ça monte vers le bas, parce que quand ça monte vers le bas, ça descend, hein, selon moi. Je sais pas pourquoi tu dis que tu montes vers le haut. C'est redondant. Alors, la phrase ou le mot qui va sans doute m'allumer, sans doute. Là, si je l'ai écrit là, à l'origine, il y a quelques mois avant le Radioton de CKRL, donc hein, il y a des lustres, mais pas si lustres que ça, là, parce que j'étais pas lustré, j'étais dans la même année, 2012. Dans la même bulle, 2012, je fabulais un peu plus en 2012, à cette époque-là. Alors, la phrase ou l'allumeur langagier, c'est « blême comme le carême ». Oh! On! On! On! ont le carême aussi intéressant et aussi crémeux que la bonne crème. Là, comment t'appelles ça, la crème? Arrêtez l'émission. Ma jeune, arrêtez l'émission. Ma jeune, arrêtez l'émission. Ma jeune, arrêtez l'émission. Ma jeune, arrêtez l'émission. Ma jeune, arrêtez l'émission. Ma jeune, arrêtez l'émission. Ma jeune, arrêtez l'émission. Ma jeune, arrêtez l'émission. Ma jeune, arrêtez l'émission. Ma jeune, arrêtez l'émission. Ma jeune, arrêtez l'émission. Ma jeune, arrêtez l'émission. Ma jeune, arrêtez l'émission. Ma jeune, arrêtez l'émission. Ma jeune, arrêtez l'émission. Ma jeune, arrêtez l'émission. Ma jeune, arrêtez l'émission. Ma jeune, arrêtez l'émission. Ma jeune, arrêtez l'émission. Ma jeune, arrêtez l'émission. Ma jeune, arrêtez l'émission. Ma jeune, arrêtez l'émission. Ma jeune, arrêtez l'émission. Ma jeune, arrêtez l'émission. Ma jeune, arrêtez l'émission. Ma jeune, arrêtez l'émission. En pleine il bon, ça s'est déjà fait là, mais on m'a déjà embarqué là, attaché, menotté, baïonné et emporté. Je me sentais comme un petit poulet prêt à emporter. Alors corée à la crème, qu'est-ce que vous avez dit là? Arrêtez de cliquer, hein? Cliquez pas sur moi là, si vous voulez. Okay. corée au sucre, ok, blême comme le carême, ben oui. Carême, des sucres à la crème. Sucres à la crème, merci, arrêtez. Ben, certain que plus t'en manges sucres à la crème avant le carême, ben, c'est la pigmentation naturelle. C'est le le glucose. Plus il y a de glucose, plus il y a de blanchissage. C'est comme l'eau de Javel. Avez-vous déjà bu un bon verre d'eau de Javel? Dans mes années folles. Oui, puis là, maintenant, j'ai descendu dans mes vieilles années après ça. C'est dur à avaler. Oui. La langue te blanchit. Oui. Les yeux te blanchissent. Oui. Les cheveux te blanchissent. Oui. Et là, t'es prêt à... À quoi? À pas à trépasser. Ben, écoute, la couleur est déjà belle, là. Ouais, ben là, tu te dis, ça va coûter trop cher de maquillage pour me rendre naturel. Ben, il faut que je vive à au moins quelques heures pour voir si la couleur va revenir. Et puis? Elle est revenue. Elle est revenue, mais j'étais rouge comme le homard. Oh, mon Dieu. On m'a fait cuire pour que je reprenne des couleurs dans un... Non. Sortez-moi de là. Là, j'étais rouge, mon rouge. Comme un peu la pression qui tilte, là, qui la boucane. T'entends-tu ça? Le système d'alarme est parti. Les pompiers sont arrivés. La police m'a remarqué. Quand on me remarque, quand la police me remarque, m'embarque. Ça va ensemble. Elle me remarque, elle m'embarque. Moi, j'ai mon passeport. Moi, j'ai... j'ai mon billet de saison. Excusez-moi, je suis allé chez vous la semaine dernière. Je suis allé à prison 17. Je suis bien mieux dans la prison 17. Une petite toilette à côté. Là. L'autre, la prison 15, là, petite cellule, ça, là. Puis l'éclairage, là, quand je vais écrire mes poèmes, là, c'est pas très bon, là. Puis il y a la senteur du gros à côté qui est encore là. Comment ça, il est encore là, ce gros cochon, cet homme-là? C'est douteux, hein? Avez-vous des préférés dans le milieu? Vous me laissez aller après deux semaines, puis vous me dites après ça, c'est parce que vous en pouvez plus. Je suis un citoyen, moi, là, si je reste en prison, j'ai le droit de rester en prison. C'est qui va m'empêcher de rester en prison? Si vous voulez que je vous frappe pour rester plus longtemps en prison, je vais le faire, moi, là. Mais là, vous allez me dire, si je frappe trop fort, moi, aller au fédéral, je ne suis pas assez fort provincial. C'est mêlant, ça, là, 2 ans moins un jour, 2 ans plus un jour. Si tu les tripes, puis malheureusement, il n'est pas fait fort, ce petit policier-là va mourir. Si c'est une policière, puis là, elle court après toi, ça peut se rajouter de grossir à mes sens, puis mon... Puis moi, j'ai une grossière absence là-dessus, je me souviens plus de rien. Ah non, on dit, c'est qui, Réal? Là, je me souviens plus, je m'appelle Réal. Ah, c'est Jean-Marc, c'est Jean-Claude, c'est Jean-Pierre. Ça tourne au ridicule. Et là, on rit de moi, puis on dit, c'est le gars qui fait l'émission de radio, là. C'est l'émission de radio, là. Je vais le prendre au sérieux, moi, là. Je vais aller devant la cour suprématie mondiale, là. Je pensais que c'était comme le chocolat suprême, tu sais, le meilleur, le plus élevé. Là, ben, ils sont tous avec des perruques blanches. Ils sont là, il y a de la misère à parler. Changez vos prothèses, monsieur le jeu. Je veux pas être conspirateur. Je veux pas, contre vous, non, je n'ai rien contre vous, voyons d'or, vous là. Je sais pas pourquoi on m'a monoté, on m'a mis des boulets aux pieds. Ça fait 150 ans qu'on met plus de boulet au pied au Québec. Quoique le Québécois a toujours son boulet au pied, c'est un colonisé deux fois. Ah, trois fois, adjugé. Ah, bon, c'est... Hey, du sucre à la crème au boulet au pied, madame, qu'est-ce que vous faites avec ça? Ah, mais moi, je fais tourner, hein. Ah, arrêtez de tourner, voilà, là. On sait que la Terre tourne en même temps, là. Ah, mais dans le sens unique, hein. C'est, vous, c'est l'autre sens. Fait que ça fait comme l'ascension et la dissension. Ascension, dissension, ascension, dissension, ouais. Non, c'est beau, hein, quand tu regardes ça de même, là, c'est une nouvelle danse. Il y a la salsa, puis il y a la dissension-ascension. Ça pourrait faire plus amoureux si la musique serait un peu moins rythmée, madame. Ouais, le Brésil, c'est beau, là, ça sue. Mais c'est pas comme un bon slow, là. Si vous mettez un dernier slow... C'est pas un slow, ça, non plus. Là. Caméramen, photographe, c'est leur hache. Fissez vos zooms, vite rechargez vos flashs. Dans une vague de salive, regardez qui nous arrive. Les craquantes, celles qui font se déboutonner les yeux, celles qui font se déboussoler les pieux, celles qui éclatent comme des mines au milieu de mon magazine. Noir, je pambre, noir, je pambre, noir, je pambre, noir, je pambre, noir, je pambre, noir, je pambre, noir, je pambre, noir, je pambre, noir, je pambre, noir, je pambre, noir, je pambre, noir, je pambre, noir, je pambre, noir, je pambre, noir, je pousse mon lit. Caméramène, photographe, c'est leur vache. Crevant vos zooms et vous recrachant vos flashs. Dans un flot de pellicule, elles avancent, on recule. Oh! Les craquantes, dans leurs cheveux dressés comme des chevaux. Sonnant du corps comme le corps à Roncevaux. Elles balancent leur plastique, leurs bombes anatomiques. Les craquantes, craquez-moi, croquez-moi, cannibalesse de cuivre, cuisse de cuir, croquez-moi, craquez-moi, j'ai quelque part une aile qui est dure à cuire. Caméramène, photographe, je vous lâche, elles font la guerre et vous ne faites qu'un match. Vous ne voyez que poupées, là où je vois l'épopée, sont éternelles équipées, des valkyries rayonnantes, des amoureuses massacrantes. Ah! Les craquantes, les craquantes, les craquantes, les craquantes. Ah oui, on coupe. C'est vrai, je coupe. J'ai pas de problème. Attends, je le rappelle parce que du coup, je vais raccrocher au nez. Pas de problème. It is the producer of the album. Ah, ok. Ah, d'accord. Oh. Non. Je t'ai raccroché au nez. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Oui, ça va? Bah oui, ça va. Je suis en interview. Voilà. Avec un Québécois. Eh oui, voilà. Un vrai de vrai. Eh oui, que fasse. Voilà. Oui. Il y avait un truc spécial. Il est sympa, mais c'est bleu. Ah bon, d'accord. Ah non, bah là, je suis au Café Charbon, rue de... Je sais plus quoi, Oberkampf. Oberkampf. Ouais. Tu l'entends, il a un vrai accent québécois. Non, c'est toi qui as l'accent. C'est pas un faux. C'est un vrai. C'est toi qui as l'accent, c'est pas moi. À tout à l'heure, bisous. Alors donc, tu te prépares à faire plusieurs petits spectacles, c'est bon? Oui, attends, je vais couper la sonnerie. Oui, vas-y. Eileen Barnes, peut-être que tu connais. Ah oui, bah oui, ah voilà, oui. Donc des gens comme ça. Donc bah, le festival que je fais là, en fin août, il y aura Beverly Joe Scott, il y aura. Voilà, donc il y a un petit peu des gens un peu connus. Après là le festival de blues que je fais en juillet, c'est une nana qui s'appelle Shari Williams, donc pareil, qui est une chanteuse black américaine de blues et gospel, qui a fait son premier album. Ah, je sais plus si elle a fait son premier ou si elle en est à son dixième, j'en sais plus rien, mais c'est une sacrée chanteuse. Incroyable, je suis contente parce qu'on fait un coplateau, donc on va jouer. Lorsque tu fais des festivals comme ça, est-ce que tu rencontres les autres artistes pour leur proposer? Nous sommes en direct de Paris. Et voilà. Le camion poubelle est en train de passer. Mais est-ce que, c'est merveilleux, est-ce que tu vas faire des collaborations avec les gens qui seront là? Ben, ça, d'une manière. Alors, je l'ai fait, par exemple, au mois de mars dernier, je suis allée jouer en Belgique, où j'ai fait pareil un coplateau avec un monsieur qui s'appelle Billy Cifarlo, qui était l'ancien de Commander Cody. Oui. Voilà, l'ancien chanteur harmoniciste de Commander Cody. Et il se trouve que on sait plus tous les deux, et dans la loge il me dit j'ai ça, c'est très blues, il y a trois phrases à dire, je te les note, et puis on essaye de faire un truc, on a répété ça dans la loge, et puis sur son spectacle je suis venu. Ah, c'est il bien. Se passera sûrement la même chose avec Shari Williams, parce que je connais son tourneur, il m'a dit ce serait bien que vous fassiez un truc ensemble pendant le spectacle de Shari. Et lui il le sait avant, alors. Il le sait avant, donc il va déjà se préparer. Voilà, donc on verra après. Mais ça, c'est ça la magie, c'est ça le plaisir. Moi, je me mets au service, moi j'adore brasser comme ça. Oui, c'est ça la magie du spectacle. Il y a des gens qui détestent ça, et moi, plus je peux faire ça. Et notamment avec des gens complètement atypiques, et pas forcément dans ton univers. Tu vois, moi, je viens pas du blues traditionnel et du gospel, mais elle a une voix tellement fabuleuse, cette nana, incroyable, que ça me fait vraiment plaisir, même de faire une deuxième voix sur une de ses chansons et de dire, tiens, voilà. Mais c'est un velours, c'est un petit velours, voilà. C'est une récompense. Donc c'est tu dis, c'est bien, quoi, tu viens, et puis tu sais pas, j'avais fait comme ça, première partie de Debbie Coleman aussi, sur le guitariste de blues. Ouais. Ouais. Si, bah pareil, on a fait un blues, une impro à la con, à la fin de son set. Un blues c'est trois accords, tu peux faire ce que tu veux. C'est très rudimentaire. Voilà, donc tu dis, bon, c'est histoire de s'amuser, de partager un peu l'instant. De la terre, bandon sur le bandoneon d'un cœur gros comme la mer, de l'air, vieille galère, l'équipage tourne la page, de l'air, vieille galère, va-t'en ailleurs faire naufrage. Y'a les mousses qui veulent que ça mousse dans le lait de chaque vague. Grimper au mât dans le cinéma sur la toile où l'on pèse les étoiles. Tu nous les brises, galère. On en a marre de plier tes avirons pervers dans un rêve de noyer. On veut hisser des voiles. malheur comme des lits d'amants. Boire des rasades de soleil, le vent. Oui, nous voulons des voiliers aux ailes déployées, allant de l'avant sur le flot vivant de l'air, de l'air, de l'air, comme un jeune marin enlaçant un dieu goémon tangon sur du bandeau néon, une rose entre les dents. Je serai long comme des cinglés, cinglons. C'était un beau matin pour Gina Pinard et JP Labrosse en Mustang sur la 20, main dans la main vers le voyage de noces. Chippy était bien content parce qu'il sait bien que quand il se donne la peine, il fait les choses en grand, il a réservé au camping Saint-Germain. Prêt d'arriver là-bas au beau milieu du festival country, il y avait une tombola pis du Paul d'Arèche qui jouait dans le plancher. On parquait leur roulotte sur un petit terrain pas loin du casse-croûte. C'était pas un mauvais spot parce qu'il entendait presque pas l'auto. Dans l'odeur de patates frites qu'ils se sont payés une petite vue. Dans les broussailles du camping Saint-Germain, où le temps s'est figé des années 70. Ils se sont sur le coin dans Gogun en Bédan, en écoutant Elvis, mais d'un côté sur le bumper, la Laurent, c'est un cooler. Le lendemain, JP encore impressionné sa douce. Check bien ce qu'il a dit, m'en va aller gagner un beau nounours. Au jeu du gun à plomb, il s'est fait escroquer par un forain. Maudit qui se trouvait qu'on s'en piasse et chien pour un petit toutou de chien. Ouais, sacré forain, sûrement des gars de bon carnaval. Et il a oublié ça parce que soit il avait l'occasion de se faire en gagnant le championnat du tournoi de pétanque annuel du maire. Mais il s'est effondré en finale contre un gauche feu grichou qui n'avait pas de dentier et qui portait un beau chandail de loup. Le réconforter, sa belle Gina l'a entraîné. Dans les broussailles du camping Saint-Germain, où le temps s'est figé les années 70. Il s'est donc dans la coin dans Gogun en Bédon, en écoutant élevé sur un vieux tape à cassette avec la Laurentie tablette. Les exportés verts. Au bout de quelque temps, Gina a commencé à prendre un coup en voyant que son amant ne s'occupait jamais d'elle pour deux sous. Il était toujours poigné dans ses ligues de poche, pis ses games de fer, elle en a eu assez. Elle s'est dit, ça va être la fin de mon Jean-Pierre. Ça fait comme Hippolyte, elle s'est mis à creuser le gros drummer de l'orchestre Saint-Cypoplette qui jouait soir-là pour l'Halloween des campeurs. JP qui picolait avec les gars de l'équipe de Balconnet. T'as pas vu ce qui se passait quand sa belle est partie dans le cimoisé. Jusqu'au fond de la campagne, on a entendu un bing bang, bing bang bang, bing bang bing bing bang bang. Dans les broussailles du camping Saint-Germain, dil-dil-dil-dil, là où il tombe des clous depuis au moins une semaine. Tout seul dans sa roulotte, JP trouve ça moins hot, dil-dil-dil-dil, depuis qu'il n'y a plus de nouvelles de celle qui appelait sa belle. On aurait vu partir incognito, dil-dil-dil-dil, dans un station wagon peinturé au rouleau. La crinière dans le vent comme Marilyn Monroe. Bye du loup. Gina, où que tu sois, je t'attendrai, car je t'aime. À toi pour toujours, ton Jean-Pierre. Jean-Pierre, attends-moi pas pour le repas de ce soir, puisque j'ai mon dessert à côté de moi. Ta Marilyn. Au petit bain. Là, ici, maintenant, qu'est-ce que... Non, je peux pas... Non, je ne peux pas faire la jaseur. Oh! On peut pas faire la jaseur, la malade, mais on peut pas faire la jaseur. Oh! On peut pas continuer. OK! Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Nos ciseaux ne fonctionnent plus. C'est pour ça, il n'y a pas de coupage, il n'y a pas d'entrecoupage, il n'y a pas d'entremettage. C'est une moto, ça? Moto qui m'a dit que ça va pas très bien avec elle. Elle fonctionne pas à essence, elle fonctionne à pédale. En fait, c'est comme un vélo, mais pas polluant. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Les solos nous disent laissons-lui nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraites de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Alors, nous sommes rentrés. Le bar venait de fermer. Merci de nous... Madame Thibodeau, merci de nous avoir fait rentrer. Nous n'avions pas notre clé ni notre carte de Buck parce qu'on l'a oublié à la sortie du véhicule. Il y avait du monde dans ce véhicule-là. Et avant de commencer la phrase, là, nous étions six. Il y avait Marilyn et ses cheveux blonds platine. Et elle attendait son Elvis. Mais Elvis, il chantait avec James Dean dans l'autre voiture à l'arrière. Il y avait du monde là avec notre belle voiture des années 53. 1953. De la voiture, moi. Pas une graine de rouille. Pas une graine. Ben, en fait, il y avait 5 graines dedans, là, mais c'était pas de la rouille. Oh, c'est ça. C'était pas bon pour planter non plus. Quoique... ça donnerait peut-être des concombres. On ne sait pas. Ah, ben c'est ça, James Dean est en arrière avec Elvis. On ne sait pas ce qui se passait là. Il n'y avait pas un son. La voiture ne bougeait pas. Puis là, on a baissé nos vitres de notre véhicule. Puis on entendait. Après ça, la voiture bougeait de toutes les... On s'est dit, ça se transformera, ça va se transformer en fusée, puis la boucane va entretenir le goudron en arrière. C'est pas du goudron, c'est quoi? C'est de la synthétique. Ah, je connais pas ça, moi, là, mais il paraît que ça peut être combustible. Ah. Il se passait des affaires avec James Dean et Elvis Presley. Ah. Là, Marilyn était chérie, recoiffe-toi, ma chérie. Puis là, c'est bien beau de se recoiffer. Hein? Comment elle peut se recoiffer quand elle était là? Je ne vais pas décoiffer. Je m'arrangeais pour y placer les mains dans les cheveux. Elle n'aime pas se faire. Et voyons donc, c'était un spasme, ça, là. C'est une maladie mentale. Ses cheveux, à l'extérieur, là, ils avaient annoncé de la pluie. Quelques gouttelettes à peine tombaient. Quelques gouttelettes. Il fallait rester 20 minutes pour sentir une goutte te tomber dessus. Mais là, il dit, mes cheveux. Hey, Elvis puis James Dean, là, vont entrer dans le bar. Puis mon ami Bukowski est dans le bar. Puis là, la phrase devrait être lue dans le bar. Fait que si tu ne rentres pas avec nous autres dans le bar, on va rester ici, puis il n'y aura plus d'improvisation, il n'y aura plus rien, ça va s'arrêter ici. Ça s'est jamais fait jusqu'à maintenant. Je sais pas, ça fait combien d'années que ça existe, cette émission-là. Ça s'est jamais fait, madame. Mono. D'autres, t'as des petites vedettes là, qui se prennent pour elle. Oh, mais pas mieux, je fais. Hey, c'est une émission de radio, ça. C'est pas n'importe quoi, OK? James Dean a fait cette émission-là. Vous-même, madame Monroe. Et Elvis Presley, sans parler de... Je les ai nommés naguère, là. Non, c'est pas... C'est la paix, mais naguère avant. Ah ouais, on est pour la paix, nous. Ah, on brandit, on n'arrête pas de brandir. Regarde-moi James Dean puis Elvis, ils brandissent, eux autres. Ah, s'ils brandissent l'amour universel. Mais ça s'est jamais dit, cela, là. Quoique James, oui. Ah ouais, il y avait un doute. Hein, il roulait en bagnole, puis on ne sait pas ce qui se passait en bas du vol. Ah! Un accident. Poum! Brisé à mon choix. Alors, le bon, alors on est rentré en furie, parce que moi, j'étais en beau temps. Hein? Je priais les saints du ciel, et non pas les saints de Marilyn, pour qu'on puisse entrer. Ça n'est 5 ans. Ça n'est 5 ans. Ça n'est 5 ans. Ça n'est 5 ans. Ça n'est 5 ans. Ça n'est 5 ans. Ça n'est 5 ans. Ça n'est 5 ans. Ça n'est 5 ans. Ça n'est 5 ans. Ça n'est 5 ans. Ça n'est 5 ans. Ça n'est 5 ans. Ça n'est 5 ans. Ça n'est 5 ans. Ça n'est 5 ans. Ça n'est 5 ans. Ça n'est 5 ans. This egg of eggs, this egg of eggs, this egg of eggs, this egg of eggs, this egg of eggs, this egg of eggs, this egg of eggs, this egg of eggs, this egg of eggs, this egg of eggs, this egg of eggs, this egg of eggs, this egg of eggs, this egg of eggs, this egg of eggs, this egg of eggs, this egg of eggs, this egg of eggs, this egg of eggs, this egg of eggs, this egg of eggs, this egg of eggs, this egg of eggs, this egg of eggs, this egg of eggs, this egg of eggs, this egg of eggs, to take a eggs, to take a eggs, to take a eggs, to take a eggs, to take a eggs, to take a eggs. Ça, je pourrais amener le goût, genre, dans la voie, un cellulaire. C'était pas le temps, elle n'allait pas imaginer toi micro-ondes, elle n'allait pas imaginer toi cellulaire. Des ondes, et à part la radio avec le gros micro comme j'ai ici actuellement là, devant moi. Si vous me regardez sur YouTube là, ou sur mon site officiel des Rances Renadiennes, vous allez sur gargoyle.fr, vous rentrez Rances Renadiennes, vous allez voir les vidéos et celui-ci. Que vous regardez, que bon, vous voyez, là, bon, j'ai ôté moi, bon. Et puis, on va arrêter de t'exciter, mon beau Jean-Pierre, là. Le peuple te regarde, si tu savais. Si tu savais. Non, je le sais. Bon, OK, parfait. Donc, c'est ça. Alors, on va les appeler sur cellulaire. Même si c'est dans les années 50, on a ça. Ben, parce que la popularité du cellulaire, comme j'ai dit, c'est en 90, pour susciter pas la pas du gain, mais l'achat, pour que les gens se titillent. Ah, lui, il y en a un, mais je vais en avoir un aussi. Hein. Si tout le monde en a un, j'en viens. Pas capable d'être autonome, d'être singulier. Non, tout le monde est de même. Tout le monde est de même. Ben oui, c'est ça. Tu me verras pas sur les plaines, toi, là, en train d'applaudir. Des je serai pas là. Et il y en a un qui m'a dit, ah, regarde, on va aller là, on va boire de la bière pour fumer des joints. Ben oui, ça prend ça pour aimer ce que tu vas voir en avant. Là. Des petits pois verts qui se promènent là, avec. Je me violie. Non, il m'a pas dit ça, mais je peux pas essayer des pots, des gogo, des gogo. En tout cas. Je dis, peux-tu aller dans la voiture en avant? Toi, c'est la mienne, là, tu le sais. Et ramène-moi ma carte, s'il vous plaît. Lui dit, ah, pas de problème. Il me ramène, il rentre avec, tout de go. Les bras dans le dos, avec il tenait sa carte, ma carte. Il voulait pas que tout le monde la voie parce que ça se sent dans ce milieu-là. Là, oh, j'en ai eu, tout le monde en veut. C'est comme les cellulaires. Ah, OK. Là, il me présente la carte. Je dis, c'est pas celle-là. Ça, c'est la carte de CKRL. Là, il dit, oh non! Zut alors! laisse faire. Ils vont me comprendre. Là. Fait que là, je raconte le nom de mon émission. Puis, oh, écoute, c'est nébuleux, alors ça doit être Terrence Renaldienne. Eh bien, oui, c'est ça. Alors, OK, vas-y, rentre. Alors, je rencontre Bukowski. Il est quelle heure? OK. Il me dit, le bar venait de fermer et il devait encore rentrer à pied. Ben oui. Fait que là, j'ai pas eu le temps de discuter avec Charles. On est sortis, on nous a foutu dehors. Comme de vulgaires rats. Ou de vulgaires filles sans joie. Et là, on était sur le trottoir. Puis là, la pluie n'était même plus là. Il y avait un vent doux qui nous soufflait dans les cheveux. Toujours les cheveux. Hein? On est. Ça, c'est. Hein? Eh oui, ça fait partie de ma. Oh, fétichiste des cheveux. Pellicule tartature. Tartature. Bonhomme 7 heures. Pas de cheveux, bonhomme 7 heures. Mais non, à 7 heures, on se peigne pas. à 7 heures, on s'en va, puis on y a des heures, il faut se réveiller à 7 heures. On y a... Oh, il est 7 heures. Oh non, je suis en retard. Il s'en va. Bonhomme 7 heures est tout le temps en retard. Parce qu'il ne se lève pas à 7 heures moins quart, c'est le bonhomme 7 heures. T'as-tu compris ça, toi? Eh bien, c'est très, très, très, très facile. Oui, mais dans la facilité. Mais Velous, merci. Mais Velous, Santos, San Lula, Menemus, Sato, la Maritou, Tato. Hey, la phrase de Pikowski, Mme Thibodeau. On va la dire sans aucune gêne, quoique je suis aussi estomaqué de vous la divulguer aussi rapidement. C'est la sirène baiseuse de Venise, Californie. sur l'album, par exemple, moi je suis une grande fan de Springsteen, on l'a dit, oui. Mais du coup ça m'a amené sur Elliot Murphy. Okay. Tu vois, Elliot Murphy qui est quelqu'un aussi qui vit à Paris, donc lui aussi, mm-hmm. J'ai rencontré, je suis allé le chercher, lui carrément, j'ai envoyé un mail en disant je veux un texte pour mon album, j'ai une mélodie, il n'y a que vous pour écrire ça, je suis sûr que ça peut, c'est très new-yorkais, très si machin là, c'est pour vous. Voilà, et s'il y a pas de texte de vous, il y aura pas de texte. Il y aura pas d'album. Voilà, il y aura okay. pas de la chanson. Ok, la mélodie va s'oublier. Okay. J'avais vraiment un truc en tête précis pour lui. Je dis, il y a que lui qui va pouvoir, ou alors Springsteen. Mais là, c'est, j'avais pas, pas le encore, mail. Pas encore. J'avais pas le mail du gars. Et peut-être un tourné. Ouais, ou peut-être un Paul Tourneur aussi. Voilà. Donc, mais bon, du coup, voilà, pour Elliot, ça s'est passé comme ça. Et Elliot, il se trouve que bon, bah, on a une même culture musicale, même s'il est plus vieux que moi, bien légèrement, évidemment. Légèrement. Mais ça fonctionne. Il est sur scène, il fait « Sofa, t'es dans la salle ?»« Oui, je suis là. Viens. » Je sais pas ce qu'il va jouer, j'en sais rien. C'est ça, c'est l'improvisation. Il envoie le truc, j'écoute les accords, je dis « Ah tiens, ça c'est Born to be Wine. » Ah bah je connais, ça va. On va suivre. Suivre. Ah ça c'est, je sais plus quoi. Ah ça c'est Bob Dylan. Oh bah c'est bon, ça je peux faire aussi. Alors comme tu as déjà trempé là-dedans, pour le futur c'est quand même assez intéressant. Il s'ouvre devant toi des horizons. Bah j'espère que ça va s'ouvrir encore plus. C'est dur, en ce moment c'est très dur, je le cache pas. Mais c'est dur dans quel sens? C'est-à-dire que l'industrie n'est pas ce qu'il était, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est que les gens sont très frileux, même s'ils aiment. Alors moi je suis de. Voilà, je suis confrontée à ça en ce moment, c'est que je suis une artiste, on va dire, entre guillemets, atypique. C'est-à-dire que pour les festivals de blues, je suis pas assez blues, je suis trop rock. Okay. Pour les festivals de rock, je suis trop blues. Ok, alors donc c'est pour difficile de trouver... Voilà. Pour les festivals folk, c'est trop électrique. Alors je joue sur acoustique tout le temps, mais le fait qu'il y ait de temps en temps une guitare électrique, c'est trop rock. Ok. Enfin, tu dis, il vous faut quoi? Il faut un tiroir à chaque fois? Ouais, c'est ça. On doit s'ajuster au festival. C'est un festival voilà, rock, on perd du rock. Dis, je dis, c'est fatigant. Est-ce que vous demandez à ZZ Top s'ils sont blues, rock, folk ou machin, etc. Ils viennent. Ils demandent juste à avoir leur moustache, hein, leur barbe. La barbe. C'est pas important. Tu dis, je sais pas, c'est très. C'est alors, très c'est dur cloisonné en France. Okay. Si tu fais pas de la variété. Ou du rock, t'es pas. Il faut rentrer dans les cases. Je sais pas si c'est pareil au Québec. Oh, ouais, c'est partout. Mais il faut rentrer dans une case et pas en sortir. Sauf que moi, j'aime pas les cases et j'aime pas les cages. Ok. Ouais, effectivement. Donc, moi, j'étais nourrie de plein d'influences et j'ai envie de m'en servir. C'est-à-dire, s'il y a un titre qui est un petit peu plus bluesy que l'autre qui est un peu plus funky ou jazz, non parce que c'est vraiment pas ma blues. Culture mais on va dire blues ou rock ou folk, c'est vraiment les trois c'est les racines de la musique, hein, le folk, le blues. Vois, c'est une question d'arrangement et de la manière dont tu traites les morceaux, mais est-ce qu'il faut s'interdire de faire un morceau qu'en acoustique si tu le sens comme ça, faire un guitare-voix et on va te targuer d'artiste folk. We'll be right back. these, my childbearing hips. Look at these, my ruby red, ruby lips. Look at these, my work strong arms. And you've got to see my bottle full of charm. I lay it all at your feet. You turn around and say back to me. He said she John Baez, clone de John Baez, qu'est-ce que vous avez contre elle, c'est quoi, ça. Vois, ils en veulent une deuxième peut-être. Oh, non, mais c'est franchement fatigant. Hein. Qu'est-ce que tu veux raconter? Parce que toi aussi tu composes? Ouais, moi j'écris tout. Normalement. Voilà, j'écris tout. J'avais un petit complexe au niveau de l'écriture des textes, notamment en anglais. Parce que si je parle, on va dire, quasiment couramment anglais et je maîtrise bien la langue. Entre parler une langue et savoir la manipuler pour lui apporter de la poésie. La poétiser, ouais. Voilà. La poésie. Et puis surtout, on a des expressions dans n'importe quel langage. Le slang. Voilà, le slang. Qui parlent. Des qui nous parlent à nous. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des images poétiques qui vont te traverser l'esprit, qui seront des images poétiques très françaises, francophones, on va dire, mais qui voudront absolument rien dire pour un britannique un anglophone, d'une manière générale. Donc, j'avais très peur de ça. Et puis, c'est Sal Bernardi, justement, qui m'a dit, à qui j'avais demandé d'écrire sur cet album. J'avais envoyé une musique, et je lui ai dit, Sal, aide-moi, parce que... voilà, je veux pas écrire, je cherche des textes, j'en ai deux de Daniel Lalois, j'en ai un de Elliot Murphy, j'en ai un de Vintel, un tel. Je lui dis, voilà, j'ai encore deux, trois mélodies que je veux mettre sur cet album qui sont sans texte. Donc si ça t'inspire, welcome, quoi, tu vois, embarque et... Libre à toi. Voilà. Il me dit, on voit, au contraire, ça me plaît, etc. Et puis il m'a rappelé deux, trois jours après en me disant, j'arrive pas. Il dit, j'ai aucune idée. Mais alors, il me dit, quand j'ai aucune idée, c'est aucune idée. C'est-à-dire tout ce que il est bloqué, bref. Ouais, il me dit, je suis bloqué total. Il me dit, ce que je te propose, c'est que tu commences à écrire, vu que tu parles très bien. Il me dit, écris. écris et puis envoie-moi ce que tu as écrit et moi je vais corriger. Je vais corriger et j'amènerai de la poésie à ce que. Et je vais te dire là, pour nous, ça ne veut rien dire. Okay. Tu vois, il va trouver des expressions, il va trouver des raccords. Du coup, ça m'a décoincé, ça m'a débridé. Tu sais comment on dit okay. Alors, ça passait par toi, puis après ça, le professeur ou le, voilà. Ou le traducteur. Le traducteur allait exactement. Vérifier. Exactement. Donc, j'ai envoyé un premier texte comme ça, The Call of Freedom. Je lui ai dit, voilà, bah écoute, j'ai commencé ça, qu'est-ce que t'en dis? Voilà, corrige ce qui va pas, etc. Puis il m'a envoyé un petit mot en me disant, qu'est-ce que tu veux que je corrige? Tout est très bien. Garde-le comme ça, ce texte. C'est j'ai pas besoin. Alors, du coup, je me suis dit, bon, moi, je suis pas si trop con finalement. Ouais. Pas trop mauvaise. Alors, ça t'a flatté, ça t'a encouragé à aller plus loin. Ça m'a encouragé, puis ça m'a décoincé. Alors, j'ai toujours fait relire les textes, ne serait-ce que pour des petites fautes, tu sais, que tu peux faire, des petites. Mettre un S ou pas en mettre. Ah oui, ok, un, ok, ok. Tu dis, il y en a un, il y en a pas, il y a deux F, il y en a un. Alors, là-dessus, tu en as écrit 6. J'en ai écrit, je ne sais même plus combien j'en ai écrit, je vais te dire ça. Allez, le premier, le deuxième, le voilà, 3, 4, 4 et 5 avec le bonus. Ok. Stop. We'll be right back. l'auto est une tata de tonnes, pleine de tickets de toto, qui sont aux têtes les tétés, en se titillant les tétons, et sa mitraille de fer. Sur la tortore, il se tape des tonnes de steak tartare, puis s'autorote et jette au teint son être au trou des dinettes, son gros pétard pété fait. Tata ayant tâté de tout, Otto fait les tasses à tâtons. Oui, mais question tu t'attends. Une voix derrière lui fait. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Rénaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. L'Errance Rénaldienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Cette semaine, et ça jusqu'à épuisement du concept, nous marcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons et poursuivrons à bras de mots, non, et lèverons à bras de mots, on ne poursuit pas, nous autres. Ah. On a la sirène à terre. Ah! Agression. Non, mais c'est vrai. De plus en plus, on se fait agresser. Soit par des émissions de radio, soit surtout par des émissions de télévision, soit aussi par les journaux. Les téléjournaux, hein? Ça, c'est les téléjournaux, c'est des journaux qu'on peut lire à la télé. C'est à peu près ça. Hey, vous êtes bon, madame? Ah, moi, c'est, je suis une intelligence tout à fait ininterrompue. Oh! C'est comme mon mari me disait. Ah, oh, non, pas de mari. C'est un colonialiste. Oh! Vous croyez pas que ça existait encore des colonialistes? Ah! Il prêche pour la pêche miraculeuse. Oh mon dieu. Il y a juste un cueil des petits poissons. Ah, c'est ça. Allez, disons, vous là. Ben, c'est ça, l'agression. On se fait agresser partout. Partout et partout. Partout, parti, par terre. On est partant pour se faire agresser. Tu dis, hey, je vais me relaxer un peu. Je vais aller rouler en voiture. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai plus de permis de conduire. Je me fais arrêter. Plus de points d'émérite, plus d'émérite. Moi, oh, c'est moi, bon, je mérite même pas d'avoir une voiture. Je pas d'or, je peux pas faire l'avion. Mais exemple, tu t'envoies dans ton avion. Tu veux relaxer un peu, hein? Alors, tu mets en mode planeur. Fait que tu n'entends plus les moteurs. Déjà là, c'est relaxant. Vas-y. La traversée et les vierges. La traversée s'est enfoncée. Non, ça, c'est des poches d'air. Oh, OK. Je ne vois plus que des nuages. Je ne vois plus que des images. Ça tombe bien parce que si t'es dans le ciel, puis il y a plus, il y a des, normalement à travers les nuages, il y a des images. Quand j'étais petit, j'étais couché sur l'herbe tendre, sur lequel un petit chien sentait plus confortable. C'était, je me sentais plus confortable, c'était chaud. Hein. Ça sentait légèrement, mais ça peu importe. Mais, l'enfance, on peut faire des petites apartés comme ça. On est des enfants. Hein? Les petits enfants peuvent bien courir puis pouf dans un trou d'eau. Après, les deux pieds dans le trou d'eau. Bon, maman va crier un peu, papa va crier peut-être. On voit pas, là, on voit pas. On attend que tout le monde regarde pas. Dans deux semaines. Tes cheveux vont être agressés. Imagine-toi, l'eau qui va te. T'es tout petit. L'eau va monter, puis là, vont descendre dans tes cheveux. Vont atteindre tes cheveux. Puis si ça atteint tes cheveux, là, c'est le mois prochain, nettoyage de cheveux. Faut ménager l'eau chaude, ça coûte cher. Le shampoing, ça coûte cher. Être propre, c'est cher. Tes vêtements, ils seront pas. Ça fait trois fois qu'on les change de. Hein? Recto verso, c'est bien beau, là, mais là, c'est version couture. Il y en a de moins en moins de couture, hein? Faut user ça jusqu'à la corde. C'est pour ça que j'ai mis, moi, là. Tu sais, les matelots, là, les bateaux, les grosses cordes jaunes, là, j'ai repris les avec ce cordage là, c'est lourd pour mon enfant, mais ça s'use pas. Ça fait que là, l'enfant a le droit de sauter dans un trou d'eau, mais toi, à 28 ans, ma chérie, de quoi t'as l'air là? T'amuser dans un trou d'eau? Les gens nous regardent, on a l'air des imbéciles, c'est merveilleux, j'aime ça, moi, être marginal. Continue. Mais mouille-moi pas les cheveux, parce que c'est pas le temps. On en parle encore, on en parle toujours. Surtout, j'ai une photo de Robert Charlebois devant moi dans les années 70. Là. Oh là là là là là là. Il devait avoir des mouches là-dedans, là, des mouches noires. Non, c'est des fourmis noires. Mais non, lui, c'est des mouches noires. Et c'est pour ça qu'il s'envolait, lui. La Voie lactée et les vergers. La Voie lactée s'est retrouvée. Hein? J'ai retrouvé nez à nez avec un nuage à un moment donné, Robert Charlebois, puis là, il a demandé au nuage, « Hey, dis-moi qui est le plus beau. » Hey, sais-tu qu'est-ce qu'il a dit, le nuage? Il dit, « Hey, me prends-tu pour un miroir, toi, là, là? » Moi, je suis de la moche-molle, de la guimauve, là, en haut, là. Soufflé à l'hélium. On m'a ridiculisé pendant toute ma vie, moi. Tout le monde m'a regardé, hey, « c'est beau, hein, c'est drôle. Comment ça fait pour tenir en haut? » Ben oui, c'est la guimauve gonflée, là. Moi, te dégonfler, tu vas voir que tu vas monter avec moi. Puis non, ben c'est vrai que ça dégonfle, ça va descendre. Hein? Ben je vais descendre avec toi. Et... J'aimerais-tu être collé, avoir le visage tout te... Un nuage en pleine face. Alors, je suis très violent, moi, comme nuage. Je suis l'hypothalamus. L'hypothalamus, là, c'est celui là qui prend par surprise et qui amène des éclairs quand deux l'hypothalamus se frappent ensemble. Ah oui, ils disent à météo, là, il y a un nuage, l'hypothalamus arrive vers le sud, et l'autre l'hypothalamus arrive vers le nord, pow! Et là, les petites madames crient, ah, les flammes, les éclairs, les gens jouent au golf. C'est comme une attaque d'ovni, là. Vous savez, les rayons. Ça fait peur, hein, la main? Fermez votre radio, hein? M'entendez plus, hein? Vous avez raison. Hey, moi, j'ai déjà vu ça, moi. Hey, en trois dimensions, des éclairs. Et, heureusement, je suis pas peureux. J'ai dit, hey, c'est de la science frisson. C'est de la. Ma belle chérie, c'est de la. Ma belle chérie, c'est de la science frisson. Puis elle dit, ouais, mais pourquoi t'es en dessous de ton bain? Ouais, mais je cherche du maïs soufflé. On dirait que ça a tout tombé par la terre. Et je les cueille. Hein. C'est comme les carottes. Ça se cueille, hein, du maïs soufflé. Ben, tu es bien imbécile, mon amoureux. C'est dans le sac. Mais oui, non, la ferait pas dans le sac. Oui, effectivement, si c'est à l'intérieur, c'est parce que je t'ai cueilli, ma belle championne. Je prends les plus crémeuses, hein, celles qui ont du beurre. Ça décolle plus facilement sur le plancher. Un petit peu, là, je vais te faire un beau panier de maïs soufflé cueilli fraîchement de ce matin. Eh, c'est le 3D, ça me donne mal au cœur. Comme disait ma ma copine, Johnny Be Good. Elle aime ça, avoir un nom viril. Ça fait quelque chose, ça fait puncher. Oui, j'ai l'air d'un imbécile quand je dis je fréquente Johnny Be Good, toi, là. Mais peu importe. Elle me dit, Johnny Be Good, elle dit, hey, ça serait bien de terminer comme ça l'émission. Ah ouais. If you're wasting your life, say hi. If you're alone tonight, say hi. You he should I say hi. Hi, hi, hi, hi. There's a hole in your head, say hi. You're stitching your wrist, say hi. If when you look at the sky, it is black and shredded. Sticking out of your hand, well, blood is beautiful. If your curtain is closed, yet you are still standing behind it. If there is a rag in your mouth, broken glass will shine for with the moon. If your body is quit and you forego sight in it, that fleecy lace in your tongue. About the bird. CFM. Alors que nous étions, nos ancêtres étaient abandonnés, qu'il y avait ici que 60 000 descendants de Français, dans un hémisphère, à grande majorité anglo-saxonne, il n'y avait pas de moyens de communication, il n'y avait pas les facilités que nous possédons aujourd'hui. T'es prêt? Persécuteurs et destructeurs. Ouais. Ouais. On va aller à Québec, là, t'as le droit de comprendre. Le nombre de Canadiens a augmenté. Je vais là, à ta gauche, jusqu'à la Violette. Ouais. La Violette, j'en ai deux, jusqu'à Saint-Maurice. Saint-Maurice, vous prenez le traversé de Pont-du-Plessis. Descendre par Québec. Au bout, vous irez à votre gauche. Là, à votre droite, vous allez voir, c'est juste au bord. On peut-tu y aller, hein? As-tu le droit d'y aller? Là, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire du tout. Correct? OK. Il ne s'agit pas d'être têtu au point d'être de pas écouter le bon sens ou de pas vouloir vous réajuster, mais cette décision-là, il l'a prise après y avoir réfléchi, d'avoir subi les pressions qu'on ne peut pas imaginer. Et il l'a pris en faveur du Québec et des francophones. Et pour ça, il a tout mon estime. Je les comprends difficilement. Many harder spoons. Who really cares to the loser who wins and the winner who falls? I can tell you by now that I have seen them all. When you're not strong, you're pushed along. You don't jamais été retouché. C'était vraiment ce que tu avais écrit à l'origine. C'était juste des fautes de ponctuation, d'orthographe ou de conjugaison. Voilà, de conjugaison. Voilà. Des petites choses comme ça, de détails. Voilà. Alors, as-tu déjà tourné en Belgique, en Suisse? En Belgique, frontière suisse, je suis jamais passé la frontière encore, mais pas loin. Et le Québec? Québec, jamais, ça j'adorerais. Hein. Tiens, regarde, passe. Oui. Fais donc un appel. C'est ça, exactement. Mais tu as un tourneur? As-tu quelqu'un qui travaille pour toi? Non, on fait tout nous-mêmes. Alors, c'est monsieur Gérard Faber de UCS Productions qui a monté Est-ce que c'est celui qui a appelé? C'est celui qui a appelé, okay. qui contrôle. Okay, c'est lui le dirigeant, le René Angélil de ta carrière. Ouais, c'est ça. Okay. Non, mais c'est quelqu'un qui est absolument pas dans ce milieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors, lui, il est dans le milieu de la voiture américaine. Ok. Voilà, il fait. Mais comme c'est ton copain, il s'occupe de ta carrière. Voilà, et c'est un fou de musique aussi. Et puis, il m'a trouvé dans un bar. Et il a dit, j'aimerais bien produire quelqu'un, et j'aime bien la voix, est-ce que tu fais des trucs, et voilà. Donc je lui ai fait écouter, ça c'était il y a quelques années. Et il était sur le premier album aussi, en tant que coproducteur, il y avait lui et l'autre, le fameux. Ah ouais. Et lui n'étant pas musicien, il a fait confiance à son copain. Qu'il ne l'est plus. Qu'il n'est plus, justement. Ah non, c'est vrai, ouais. Qu'il ne l'est plus. Okay. Et à cause de tout ça, justement. Mm-hmm. Et du coup, il s'est lancé dans l'aventure. Et puis quand j'étais tellement insatisfaite de ce premier album, que un jour je lui ai dit, il y a 2 ans à peu près, je lui ai dit à la fin d'un été, je lui ai dit, écoute, je suis en train d'écrire de nouvelles chansons et je vais faire un deuxième album. Et je lui ai dit, celui-là, il sera qu'en anglais. Voilà, je dis, je te préviens, je sais pas pour... voilà, j'ai décidé ça. Je dis, c'est trop un échec ce premier album. Pour moi, enfin... C'est pas abouti, quoi. Voilà, c'est meurtri. Pas abouti. Frustration. Frustration, trahison. Il y a un truc qui va pas, je peux pas en rester là, quoi. Donc j'ai lancé cette histoire. Et donc voilà. Et puis c'est lancé dans la. C'est un mécène. Voilà, on va le prendre comme ça. Donc on a monté ce petit label qui s'appelle UCS Productions, qui ne s'occupe que d'un artiste, ma pomme. C'est quand même bien. Voilà. Et puis on se débat tous les deux pour vendre les spectacles, pour avancer, pour payer les musiciens, pour trouver des dates, des choses. Et là, c'est lui qui prépare les spectacles, ou si c'est toi qui vas voir pour les spectacles? C'est nous deux, c'est-à-dire que souvent c'est lui qui appelle en premier, qui deal un petit peu départ. Bah ouais, pour que l'artiste soit. Parce qu'il est beaucoup plus commercial que moi. Bah oui, il vend des bagnoles. Il vend des bagnoles, donc il me vend comme une bagnole, mais en même temps, au bon prix, équipé, on va dire. Sans doute équipé, voilà. Option bien, fournie, toute bien option. Huilé, bien huilé. Mécanique huilée. C'est ça, oui. Et du coup, toute option, comme on dit. Et voilà, c'est ça. We'll be right back.